teewlu nañu fa tabarakallahu demee ni daan demee ndox yi dëgg nag kawee kawee na suñu ndox ndax budget bi nga xam ne mun nañ ko jënd pour xewal yi passé na ko sax li ñu am passé na ko di ko santaat bu baax moom tëree bu yàgg fi tànd ak wér ndax moo ñu yar ci noonu moo ñu yar ci melokaan bi rek ba dañ cee dee ñun ñëpp muy lan lu rafet lu taar lu jub loo xam ne day sedd xol te bés bii day xam ngeen li mu ko fonkee moom nee na bés bii bésama ndax bés yi des yëpp li ñu fi indi ci xewal ñoo koy lekk ñun waaye bés bii dafa bëgg bu ñëwee lu ñuy indi ñu joxe ko te noonu lañ ko defee nag ci berde boo xam ne rafet na te bés bi moom dul berde ak jàng alquran soxlawuñ ko fi bésab Cheikh Moussa Cissé la jàng alquran sigar berde mu nekk yool nag suñu doom soppi ñu ko ay yool yi kawee kawee jëm ci moom borom muy Cheikh Moussa Cissé borom daal loolu mooy ñaan bi ndax bésam la yàlla borom bi nangu ko yàlla yàlla gërëm ko yàlla jotul ko te taax ñu ci barkeem lu ñu xale bi ñaanal léegi lépp lu ngeen mën ren yàlla na ngeen mën lu ko ëpp déwén moom lu ñu ñaanal sànq li ko joxee joxee yóbbandi ba noppi lépp lu ngeen mën ren bu déwénee yàlla ngeen mën lu ko ëpp loolu nag mooy tànku kanamu yàlla rek yàlla moom tànku kanam la am jëf moom bu diggee fu mu war a jëm fu mu war a jëm bu fa jëmee ci kanam nga jëm amul benn sikki-sàkk sikki-sàkk nag mooy yàqal jaam damay wax faral di wax ne nit lu mu am ci yàlla am yàqin moo ko ko may waaye lépp lu mu ñàkk ci yàlla ñàkk yàqin moo ko fay amul benn ren yàqin mooy sikki-sàkk la rey ba fii sikki-sàkk yàlla bëgg ko fenn mooy bokkaale sax sikki-sàkk mooy jëmi bokkaale kon ñu wóoru ne Cheikh Moussa ay borom jamono bu yeneen sikkat léegi rek ñu wóoru ne Cheikh Moussa moo yor dëgg ñu wóoru ne Cheikh Moussa moo yor pay ni mu ko waxee woon ñemee ma bor dama am pay ñemee ma bor dama am pay kon ku mel noonu bu waxee la mu wax ñun war nañoo wóor pour jëf ci moom du dëgg alhamdulilah rabbi alamin bi ñu càlla booyee nag ñu fekkee ko tal ko te am luñ ca def def ko ca ndax bëri na ko fekkee tal ko te am loo ca def defoo ko ca kon ñu santaan yàlla ci loolu bu baax ñuy gàttal la sëñ bi dafa bëgg a yeeslu ndax heure bi jot na sànq sax dafa ne woon wàccee leen rek xam naa ginnaaw bu yërmandeem sax moo tax mu dëppaat ndax moom dafa bëri yërmande xam naa dem ne ba fee mu geestuwaat xool leen waaye dafa ne woon wàccee leen rek ñun dañu bëgg a yeeslu bi kon ne sëñ bi kàddu yi moom ci gàttal message bi mu leen di sant bu baax te yi gërëmaat baax a baax a baax. ñun moom ñu ngi sant rek ñun bu sëriñ bi santee rek moom mooy suñu tont ndax liñ bëgg mooy xolam sedd liñ bëgg mooy ngërëmam liñ bëgg mooy mu sant kon bu xolam sedd mu sant gërëm rek loolu daf ñuy yóbbaale waaw te it loolu lañ leen bëgg yeneen na ngeen war a sant ndax la muy sant ak la muy gërëm lépp seen jëf la kon seen jëf yàqu kon jëf ngeen ci fa ngeen war a jëfee loolu nag ndimbal la bu am solo am na loo xam ne ku la ca woore dimbale na la ci zahir ak ci baatin mooy jëf ak sàkku ngërëm Cheikh Moussa dañ ko yoral bor bu ñu ko mënta fay kon jéem koy fay liñ bëgg yépp ca la ne damay faral di nga ñëwee tàllal ko lool ñu ko aslamtu nafsi jox naa la sama bopp te yàlla tax mu nangul la ko waxi wolof ga jox naa la sama bopp kon moomatoo sa bopp waaye bi nga ko waxee diir bu gàtt gàttoog rek soraat sa dàll yaa ngi sa bopp nga ne nekk sa bopp nekk sa bopp ba ab diir nga dellusiwaat yeesalaat sa kàddu mu yeesalaat waxtaan ak yow diir bu gàtt gu soraat sa dàll nekkaat sa bopp nekkaat sa bopp ba xëy am yàlla te moo sa ñàkk sa bopp kooku war nga xam ne am nga loo ko yoroon jox naa la sama bopp kay la ca waroon kay mooy toogal fii ba ma nopp ci yow waaye xam ne jamono xat na soxla yi bëri na mu bañ la tënk na la demal yeewi la nga doxi say soxla ne sa bopp ba del si waat noonu nga ko jàppee ba xëy am yàlla ba xëy yëgal sa bopp am nga yàlla moo tax ñu bëri bu leen daan gindi daf naan lebal naa leen ndax xëyooluñ ko gontaluñ ko te jox yàlla ku la xëyalul gontul la nga jox ko yàlla wax dëgg yàlla bu góorgóorlul yàlla ja mën na ko bañ a jëri su góorgóorlul yàlla ja mën na ko bañ a jëri ndax du ko yëg te du ko fonk te du ko liggéeyee moo tax mag ñi dañ la ko daan jaay njëgu dog su ko dee nag loolu nag ñoo war a yee am yeexu ci suñu bopp ñun xam ne lu mu yomb yomb yomb itam xakk saa ñun ñu xam ne am na lu ñu war ci moom te ñu jëm ko rek fekk ñu koy jëm nag dañ ci gën di man rek te liñ bëgg lépp ci loolu rek la amul wàcc amul noppul ndax moom mi doon suñ sëriñ mosta wàcc Serigne Touba mosta nopp Serigne Touba ba bi mu tëddee fi mu tëdd mën faa jógit tëru addiyaama ngay dem waxtu wu nekk kon yoon yi mu amul wàcc jaamu yàlla la dëggal yàlla la kon amul wàcc sax su ko defee ne yàlla nekk neex àndal ndax day ànd ak yow sa man-man ba nga tëli mu ànd yow ci nam daan ànd yow ci man-man loolu nag kon wax di yàlla yomb na koo dee na kon alhamdulilah ñu ngi leen di gërëm yéen di leen sant baax taxawaay beeg pasteur beeg ak liggéey bi lépp que ça suñu xel dañ nekkuñ foo naam waaye suñu xel dañ ni ma ko xoon Seydina rek xam ngeen liggéey bi te yéen a ko daan taxaw kon nag buñ fi nekk yëpp xam nañ dara taxaw loolu moo dalal suñu xel biñ xëy mën a dem sax waaye bu dul loola dañuy toog lu nañu liñ ci waaye noppal nañu ci li ñu war a wax ak li ñu war a def lépp alhamdulilah su ko dee kon loolu ñu ngi leen sant yéen ñëpp di leen gërëm ci noosewu bi ak nangulante bi ndax mbooloo buñ tënkoo ci kilifa ci ay diwlin dafay gën a neex a organiser dafay gën a neex a waxat dafay gën a neex a jëflante ndax wax ak kenn moo gën a yomb wax ak mbooloo ku ne nga woo ko wax ku ne nga woo ko wax wax ak kenn wax ak ñetti des rek moo gën a yomb su ko dee kon nañ yëg ne diwlin yi kenn ku ne fa mu tegu ak saa na yëg ne dimbal rek moo ko fa teg su ndigal it la fa toogee ku ko nangul ci liggéey ba yombalal ko liggéey bi ñu ngi ko defal fi ñu taw ñëpp ànd ak noosewu ci benn buum di nangulante di dimbalante te dégglante di zahir ak ci bàtti li ngeen yëg ne ku ko yëg nag xelam war a dal ku ko yëg nag war a noppalu ci mucc ci xëccoo mucc ci kañaan mucc rëy ak añaa yow ku ca mucc sa baax nga waaye fekk mu jàmm mucc gu ci loo na baax bi te yëg yàlla loo rek lay buusal jàmm li nga war a am sa dént sa borom ci yàlla rek lay jógee te yaa koy liggéel sa borom ko defee nag kon mel na ni xat na waaye xatul nga mel ni leerul jant bi rek kenn ku ne boo xëyee ak fa ci ay jaar rek kenn du ci xatal sa morom kenn du sonn morom te kenn loo ci sàkkure mën nga ko yàlla ngo ñi ca toole li ñuy xëy ñi ca bureau ba li ñuy xëy ñi ca at li ñuy xëy kenn ku def ngay xëy rek li ngay ut foofu la nekkal yàlla it noonu rek la mel kenn ku ne la ngay ut ci yàlla sa loxo la ne sa jëf la ne sa passeport la ne loolu moom bu réussiré ci yow la bu manqué it ci yow la ku la cee dimbale mooy xanaa ku la soññi rek kese su ko defee nag kon loolu bu ñu ko yëg rek dañ noppalu dañ ànd ak dal te li ñu ut dañ ko am su ko defee kon yéen yàlla dimbale leen baax yéen yàlla taxawu leen baax yéen yàlla barke leen baax jaaxle ba sama jëm nga. Alors que nous parlons de la réunion, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que